Avec les sonorités du monde ferroviaire particulièrement chargées d'images, la gare de Gières apporte une dimension plus directement cinématographique à notre collection de paysages sonores. Il suffit que ce jour-là, un couple de Japonais se présente sur le quai et laisse partir le train sans y monter pour qu'on se sente aussitôt dans un film.